Section 12. Chapitre 22 et chapitre 23. Chapitre 22. Jean se forme. Les camarades de Jean étaient tous de braves et honnêtes serviteurs. Barkus était aimé et respecté de ses camarades et de tous ceux qui avaient des relations intimes avec ses maîtres. Il se chargea d'achever l'éducation négligée de Jean et lui donna les habitudes régulières qu'il n'avait pas eues jusque-là. Le pauvre petit Roger aidait, sans le savoir, au perfectionnement de Jean. Il le demandait souvent et lui témoignait de l'amitié. La vue de ses souffrances, supportées avec tant de douceur, de patience, de courage, faisait une profonde impression sur le cœur aimant et sensible de Jean. Les visites quotidiennes de M. Abel, ses bons conseils, sa constante bonté, développèrent aussi l'esprit et les idées de Jean. Il comprit mieux sa position vis-à-vis de ses maîtres. Il leur témoigna plus de respect, de déférence. Peu à peu, les restes de dehors villageois et naïfs disparurent. En prenant de l'expérience et de l'âge, Jean fut plus maître de ses sentiments. Il aima autant, mais avec moins d'expansion. Il apprit à contenir ce que l'inégalité des conditions pouvait rendre ridicule ou inconvenant vis-à-vis de ses maîtres et des étrangers. Il ne baisa plus les mains de M. Abel, il ne se mit plus à genoux, il le regarda moins affectueusement et moins souvent, mais dans son cœur, c'était la même ardeur, le même dévouement, la même tendresse. Jean se sentait heureux, entouré de bons camarades, au service de maîtres excellents. Il trouvait autour de lui amitié, bonté, soin. Enfin, la vraie fraternité, qui est la charité du chrétien. Bien loin de lui refuser des permissions pour aller voir Simon, on faisait naître les occasions de réunion pour les deux frères. Barkus préférait faire le travail de deux pour donner à Jean une soirée ou une après-midi. Il n'était jamais refusé quand il désirait aller à l'église, ou sortir pour ses affaires personnelles, ou voir quelque chose d'intéressant, ou faire une visite de pauvre. S'il était souffrant, ses camarades le soignaient comme un frère, les maîtres veillaient à ce qu'il ne manquât de rien. M. Abel venait alors savoir de ses nouvelles et le distrayait par son esprit gai et aimable. La seule peine de Jean était l'état toujours alarmant et douloureux du bon petit Roger, que Jean aimait d'une sincère affection. « Vous prierez pour moi, M. Roger, quand vous serez près du bon Dieu, » lui disait-il souvent. « Pour toi, comme je prierai pour mon frère, » répondait Roger de sa voix défaillante. Les nouvelles d'Hélène étaient excellentes. Elle se plaisait beaucoup dans cette ferme de Sainte-Anne que louait Kersac. Elle était généralement aimée et estimée. Kersac était plus un frère qu'un maître pour elle, jamais un reproche, toujours des remerciements et des éloges. La petite Marie devenait de plus en plus gentille. Elle passait la journée chez les bonnes sœurs de Sainte-Anne, elle travaillait bien, elle commençait déjà à se rendre un peu utile à la ferme. Quand Kersac lui faisait faire un raccommodage ou un travail quelconque pour lui-même, Marie en était fière et heureuse. Kersac l'aimait beaucoup et se réjouissait de la pensée de l'adopter. Un jour, il reçut une lettre de Simon et de Jean. Simon lui demandait de venir assister à son mariage qui avait été retardé jusqu'après Pâques à cause d'une maladie de Madame Amédée, commencée peu de jours avant le carême. Simon demandait aussi à Kersac de vouloir bien lui servir de témoin avec M. Abel N., ce peintre fameux par son talent autant que par sa vie exemplaire et son esprit charmant. Jean suppliait son ami Kersac de venir les voir dans une occasion aussi solennelle. Ils déploraient tous les deux que leur mère ne pût venir, et Jean demandait à Kersac de ne pas augmenter leur chagrin en refusant d'être témoin de l'heureux Simon. Il profitait de l'occasion pour raconter à Kersac une foule de choses et de détails intéressants. « Tenez, Hélène, » dit Kersac, « lisez cette lettre de Simon et de Jean. » Hélène la lut avec un vif intérêt. « Eh bien, » dit-elle, « que ferez-vous ? » « J'irai, » dit Kersac, « la ferme n'en souffrira pas, malgré que la saison soit encore aux labours et aux semailles. Je ne serai absent que 3 ou 4 jours. Je vais écrire pour savoir le jour du mariage et l'hôtel où je pourrais descendre pour être près d'eux. Nous voici au printemps, le beau temps est venu. Ce sera pour moi un voyage agréable de toute manière. Cela me fera vraiment plaisir de revoir mon petit Jean. Je tâcherai de vous le ramener, si c'est possible. » Hélène devint rouge de joie. « Me ramener Jean ? Ah, si vous pouviez !» Kersac, Et pourquoi ne le pourrais-je pas ? Hélène. C'est qu'il est en service, monsieur, et vous savez combien c'est gênant quand un domestique s'absente. Kersak. Ce ne doit pas être à Paris comme chez nous. Ils ont un tas de domestiques qui se tournent les pouces. On ne s'aperçoit seulement pas quand l'un d'eux manque. Hélène. Je crois, monsieur, que cela dépend des maisons. Chez madame de Grignan ou Jean, chacun a son travail. C'est une maison comme il faut, une vraie maison de Dieu, comme l'écrit toujours Jean. Kersak. C'est possible, mais j'essaierai toujours. Voici près de 3 ans que vous n'avez vu votre fils, ma pauvre Hélène. Il est bien juste qu'on vous le donne pour quelques jours. Hélène le remercia, mais sans trop croire au bonheur que ce brave Kersak lui faisait espérer. Il reçut 2 jours après une réponse à sa lettre. Le mariage était pour le 1er mai et on était au dernier jour d'avril. Pas de temps à perdre. Hélène se hâta de lui préparer ses plus beaux habits, son linge le plus fin, ses bottes les plus brillantes. Elle lui mit de l'or dans sa bourse. Elle crut être prodigue en lui mettant 100 francs. Elle fit son paquet qu'elle enveloppa dans un beau torchon neuf bien épinglé et lorsque Kersak fut près du départ, elle lui remit son paquet et la bourse. Kersak riant. « Merci, ma bonne Hélène. Avez-vous été généreuse ? Combien m'avez-vous donné pour m'amuser ? » Hélène. « Plus que vous n'en dépenserez, monsieur. 100 francs. » Kersak riant plus fort. « 100 francs ? Pauvre femme, 100 francs ! Mais il n'y a pas de quoi aller et venir si je ramène mon brave petit Jean. » Hélène. « Eh bien, monsieur, votre dépense ne sera pas grand-chose. Vous allez être nourri là-bas. Quand on va à la noce, on mange et on boit pour 8 jours. Et me loger, donc, et vivre en attendant la noce. Je ne vais pas arriver là pour tomber en défaillance comme un mendiant. Et mon présent de noce, donc. Vous croyez que je laisserai marier un garçon qui est presque à vous sans lui faire mon petit cadeau ? Non, Hélène. Kersak est plus généreux que ça. Donnez-moi la clé et venez voir ce que j'emporte. » Hélène le suivit en lui recommandant l'économie. « Prenez garde à vous laisser trop aller à votre générosité, monsieur. Ces 3 jours vont vous coûter plus cher que 6 mois ici chez vous. » Kersak riant. « c'est bon, je sais ce que je fais. Je suis économe, vous le savez bien. Mais dans l'occasion, je n'aime pas à être chiche. » Hélène souriant. « Économe, économe, excepté quand il s'agit de donner, monsieur. » Kersak. « Ah, mais quant à ça, Hélène, j'ai ma maxime, vous savez. Il faut que celui qui a donne à celui qui n'a pas. » Kersak se trouvait devant la caisse où étaient ses papiers et son argent. Et au grand effroi d'Hélène, il en tira encore 500 francs. Hélène. « Miséricorde, monsieur, vous n'allez pas dépenser tout ce que vous emportez. » Kersak. « J'espère que non, mais dans une ville comme Paris, il ne faut pas risquer de se trouver à court. On ne sait pas ce qui peut arriver. Un accident, une maladie. » Hélène. « Oh, monsieur, le bon Dieu vous protégera. Il ne vous arrivera rien du tout, et vous nous reviendrez en bonne santé, j'espère bien. » Kersak. « Je l'espère bien aussi, ma bonne Hélène. Et à présent, adieu, à revoir, et préparez un lit pour votre garçon, et embrassez pour moi ma petite Marie qui est à l'école. » Kersak embrassa Hélène sur les 2 joues, selon l'usage du pays, sauta dans sa carriole avec le garçon de ferme qui devait la ramener, et s'éloigna gaiement. « Oh, s'il pouvait me faire voir, mon petit Jean » s'écria-t-elle quand il fut parti. Elle était pleine d'espoir, malgré ce qu'elle en avait dit à Kersak, et ne perdit pas une minute pour préparer un lit à Jean dans un cabinet qui se trouvait entre sa chambre et celle de Kersak. Chapitre 23. Kersak à Paris. Kersak arriva à Paris de grand matin et prit un fiacre, comme le lui avait recommandé Jean, qui lui avait donné l'adresse d'un hôtel de la rue Saint-Honoré, tout près de la rue Saint-Roch. Il prit une chambre au 6e, déjeuna copieusement pour commencer, fit une toilette complète, revêtit sa belle redingote, et d'après les indications d'une fille de service, se rendit chez Jean à l'hôtel de madame de Grignan. Il était 8 heures quand il arriva. « Qui demandez-vous, monsieur ?» demanda le concierge. Kersak. « Et qui voulez-vous que je demande, mon brave homme, si ce n'est mon petit Jean ?» Le concierge. « Quel petit Jean, monsieur ?» Kersak. « Comment, quel petit Jean ? Celui qui reste dans cette maison, parbleu. Je n'en connais pas d'autre, et pas un qui vaille celui-là. » Le concierge sourit. Il comprit ce que demandait Kersak. Le concierge. « Si vous voulez entrer, monsieur, je vais prévenir Jean que vous le demandez. Qui faut-il annoncer, monsieur ? » Kersak. Kersak, son ami Kersak. Le concierge, suivez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Kersak, très volontiers, mon ami. Kersak le suivit pas à pas. Arrivé à l'escalier, il s'arrêta. Kersak, regardant de tous côtés, mais par où faut-il monter ? Le concierge, il faut monter l'escalier qui est devant vous, monsieur. Kersak, sur cette belle étoffe qu'on a mise là, tout du long ? Le concierge, souriant, oui, monsieur, il n'y a pas d'autre chemin. Kersak, eh bien, excusez du peu, mon petit Jean ne se gêne pas. Il marche là-dessus tous les jours ? Le concierge, souriant, 10 fois, 20 fois par jour, monsieur. Kersak, si ça a du bon sens de faire marcher sur de belles étoffes comme ça. Kersak se baissa, passa la main sur le tapis. C'est doux comme du velours, ça ferait de fameuses couvertures de cheval, et des limousines excellentes qui vous tiendraient joliment chaud. Kersak se décida pourtant à poser un pied, puis l'autre, sur le beau tapis. Il montait lentement, avec respect pour la belle étoffe, regardait à chaque marche, s'il ne l'avait pas salie avec ses bottes couvertes de poussière. Le concierge le fit entrer dans l'antichambre et alla prévenir Barkus. « Jean va être bien content, » dit Barkus. « Je vais l'envoyer à M. Kersak. Il est ici à côté dans l'office. Jean, vite, viens voir ton ami, M. Kersak, qui vient d'arriver. » Jean, « Monsieur Kersak, quel bonheur! Où est-il ? » À peine avait-il dit ces mots que la porte du vestibule s'ouvrit et que la tête de Kersak apparut. « Monsieur Kersak, cher Monsieur Kersak !» s'écria Jean en courant à lui. « Jean, mon brave garçon !» répondit Kersak en le serrant dans ses bras et en l'embrassant de tout son cœur. « Cher Monsieur Kersak !» répéta Jean, « que vous êtes bon d'être venu, de vous être dérangé, d'avoir quitté votre ferme, que je suis donc heureux de vous voir. Donnez-moi des nouvelles de maman. Si vous saviez comme je suis content de la savoir chez vous, elle doit être si heureuse avec vous. » Kersak, je me flatte qu'elle n'est pas malheureuse, mon ami. Mais comme te voilà grandi, et pas enlaidi, je puis dire en toute vérité, beau garçon, sais-tu que tu es presque aussi grand que moi ? Tu as... quel âge donc ? Jean, 17 ans dans 3 mois, monsieur Kersak. Kersak, c'est ça, c'est bien ça. J'ai 38 ans, moi. Jean, tu devrais proposer à monsieur Kersak de prendre quelque chose, dit Barkus qui avait regardé et écouté en souriant. Kersak, bien merci, monsieur, vous êtes bien honnête. J'ai mangé en arrivant une fameuse miche de pain et une assiettée de fromage. Mais votre pain de Paris ne vaut pas le pain de la campagne. Ça ne tient pas au corps. On a beau avaler, on se sent toujours l'estomac vide. Barkus se mit à rire et demanda à Kersak de l'attendre un instant. Il alla trouver monsieur de Grignan qui faisait sa toilette. Barkus, monsieur voudrait-il me permettre d'offrir un verre de vin à monsieur Kersak, l'ami de Jean, qui vient d'arriver et qui a l'air d'un bien brave homme. Monsieur de Grignan, certainement, mon ami, donnez-lui tout ce que vous voudrez. Barkus, et monsieur veut-il me permettre de donner un petit congé à Jean pour qu'il soit libre de promener son ami ? Monsieur de Grignan, je ne demande pas mieux, mon bon Barkus, mais c'est vous qui en souffrirez. Barkus, oh monsieur, je ne suis pas embarrassé pour l'ouvrage. Le concierge me donnera un coup de main. Et ça fait plaisir d'obliger un bon garçon comme Jean et un brave homme comme monsieur Kersak. Monsieur de Grignan, a-t-il vraiment l'air d'un brave homme ? Barkus, d'un brave homme tout à fait, monsieur. Un homme de 5 pieds 8 pouces pour le moins, avec des épaules, des bras et des poings à assommer un bœuf. Et avec cela un air tout bon, tout riant, l'air d'un bon homme, tout à fait. Et si monsieur voulait bien permettre que je lui propose de rester ici ? Monsieur de Grignan, très volontiers, Barkus, vous pourriez lui proposer, s'il n'est ici que pour peu de jours, de coucher et de manger chez moi. De cette façon, Jean le verra tout à son aise, et vous ne vous éreinterez pas de travail. Barkus, merci bien, monsieur. Je lui proposerai de la part de monsieur. Barkus se retira fort content et rentra avec empressement dans l'antichambre où il trouva Kersak et Jean causant avec animation. Barkus, monsieur Kersak, monsieur vous propose de rester ici chez lui. Nous avons le logement et la table à vous offrir. Jean sauta de dessus sa chaise. Merci, monsieur Barkus, c'est un effet de votre bonté, je le vois bien. C'est vous qui l'avez demandé à monsieur. Kersak, mais Jean, dit donc, c'est indiscret, ça. On dit qu'à Paris, chacun a son coin. Je ne veux déplacer ni gêner personne. J'aime mieux retourner à l'hôtel. Jean, « Oh, mon cher monsieur Kersak, puisque monsieur le permet, puisque le bon monsieur Marcus l'a demandé !» Barkus, « Acceptez, acceptez sans crainte, monsieur Kersak. Nous avons plus de logements qu'il ne nous en faut. Voyons, est-ce dit ?» Kersak, lui tapant dans la main. « C'est dit, top là, je reste. Vous avez l'air de braves gens ici. Je voudrais bien connaître les maîtres de gens. J'aime bien les braves gens. » Barkus, « Vous les verrez tantôt, monsieur Kersak. Jean, dans quelle chambre mettons-nous ton ami ?» Jean, « Dans la mienne, je vous en prie, monsieur Barkus. Je le verrai bien mieux. » Kersak, « J'aimerais bien cela, moi aussi. Cela me rappellera la nuit où tu m'as si bien soigné, Jean, à l'auberge de Malensac. Et ce Jeannot que tu voulais me faire aimer, à propos, où est-il, cet animal de Jeannot ?» Jean, « Il est bien placé, à ce qu'il m'a dit, mais je ne le vois pas souvent. » Kersak, « Pourquoi ça ?» Jean, « Parce qu'il a des idées qui ne sont pas les miennes, et des goûts que je n'ai pas. » Barkus interrompit la conversation pour les engager à aller déjeuner. Jean, qui avait bon appétit, ne se le fit pas répéter. Il emmena Kersak pour le présenter aux cuisiniers et aux autres domestiques. Kersak déjeuna une seconde fois comme s'il n'avait pas déjeuné une première. Puis Jean lui proposa de venir voir sa chambre. Kersak, sac à papier, mon garçon, comme tu es logé. Et tous ces effets sont à toi ? Jean, tout, tout, monsieur, regardez bien. Voyez mes beaux habits, mon linge. Ces excellents livres, tout ça m'a été donné par le meilleur des hommes, le plus charmant et en même temps le plus charitable. Vous devinez que c'est de monsieur Abel que je parle. Kersak, ah oui, ce brave monsieur que tu aimes tant. Jean, et que j'ai tant de raisons d'aimer. Si vous saviez comme il a été et comme il est bon pour Simon et pour moi, et comme il me donne de bons conseils, et comme il a la bonté de m'aimer, c'est ça qui me touche le plus. Que lui, grand artiste, riche, spirituel, si couru, si choyé, veuille bien aimer un pauvre domestique, un garçon comme moi. Kersak, j'aime ce monsieur Abel, et toi, je t'aime d'autant plus que tu l'aimes et que tu en parles avec tant d'amitié. Jean, c'est qu'on est si reconnaissant envers ceux qui vous aiment quand on est seul, loin de sa famille. Kersak, à qui le dis-tu, moi qui n'ai pas de famille et personne à aimer ? Aussi, je veux m'en faire une. Ça me pèse trop de vivre seul. Jean, et comment ferez-vous pour vous faire une famille ? Kersak, parbleu, je me marierai. Pas plus difficile que ça, comme fait Simon. Jean, mais Simon est jeune, et vous ne l'êtes plus. Kersak, je le sais bien. Aussi n'épouserai-je pas une jeunesse de 18 ans, comme fait Simon. Je prendrai une femme de mon âge, à peu près. Jean, et où la trouverez-vous ? Kersak, elle est toute trouvée, pardi. Ta mère ? Jean, surpris d'abord, et riant ensuite, maman, maman, mais vous n'y pensez pas, monsieur. Maman a quelque chose comme 33 à 34 ans. Kersak, et moi, j'en ai bien 38 à 39. Vois-tu, Jean, j'ai besoin de quelqu'un de confiance près de moi pour gouverner ma ferme, et puis quelqu'un de bon et de soigneux que je puisse aimer. Quelqu'un de rangé, d'économe, qui me retienne quand je veux faire de la dépense. Quelqu'un de propre, d'avenant, qui ne repousse pas les gens qui viennent à la ferme faire des affaires avec moi. Je trouve tout cela dans ta mère. Elle paraît plus jeune que son âge, mais cela ne fait rien. Cela vaut mieux que si on pouvait la prendre pour ma mère. Cela te déplaît-il, mon ami ? Jean, comment cela me déplairait-il, monsieur ? C'est au contraire un bonheur, un grand et très grand bonheur. Pauvre maman qui a été si malheureuse, et le bon Dieu lui envoie la chance de devenir la femme d'un brave, excellent homme comme vous. Monsieur, mon cher monsieur Kersak, vous serez donc mon père ? Ah ah ah, c'est drôle, tout de même. Kersak, tu n'y pensais pas, ni moi non plus, quand je te menais en carriole à Malensac. Eh bien, tu ne croirais pas une chose ? C'est que je m'étais si bien attachée à toi dans cette journée de carriole que j'ai été voir ta mère pour toi, que je l'ai soignée pour toi, et que l'idée d'en faire ma femme m'est venue pour toi, pour te ravoir un jour et pour te faire un sort. Et puis il faut dire aussi que j'ai reçu, il y a environ 3 mois, une lettre de quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui a signé un ami, et qui me dit « Si vous voulez être heureux, monsieur Kersak, et si vous êtes le brave, l'excellent homme que je crois, épousez la mère de votre jeune ami Jean. Vous n'aurez pas à vous en repentir. » Cette lettre m'a décidé, J'ai pensé à ton avenir, au mien, et je me suis dit, Hélène sera ma femme et Jean sera mon fils. Jean, merci, monsieur, merci, mille fois merci. J'ai réellement trop de bonheur d'avoir rencontré deux hommes aussi excellents que vous et monsieur Abel. Kersak. Ah, ça dit donc, je voudrais bien le voir, ton monsieur Abel. Je l'aime, rien que de t'en entendre parler. Jean, je le lui dirai, monsieur, je le lui dirai. À présent, monsieur, je vais aller à mon ouvrage pour ne pas tout laisser à faire à ce bon monsieur Barcus qui s'échine pour me donner du bon temps. Kersak. Je vais y aller avec toi. Je ne te quitte pas d'une semelle. Je te regarde déjà comme mon fils. Mais n'en parle à personne qu'à Simon. On rirait de moi et cela ne m'irait pas. Je leur donnerais une volée de coups de poing qui gâterait la noce. Jean. Permettez-moi, monsieur, de le dire à monsieur Abel. J'ai l'habitude de lui parler de tout ce qui m'intéresse. Kersak. Dis-le, dis-le, mon ami. Je le lui dirai moi-même, si je le voyais. Fin de la section 12.